5. Le récit de Malissoff fut un succès prodigieux. Madame Berlaguin elle-même, en dépit de tout son sérieux, ne put s'empêcher de faire chorus avec les autres. Au moment où l'on s'amusait le plus, car la gaieté s'était répandue dans l'air et avait même gagné la cuisine et les communs, la tête de Méduse apparut sous la forme d'un droschki de campagne, très bas sur ressort, fort poussiéreux, mais encore digne de figurer chez un propriétaire. Le dit droschki, attelé de deux chevaux poussifs, était surmonté de Pélagie Siméonov en personne, vêtu pour la circonstance d'une robe de nankin jaune qui était loin de rehausser l'éclat problématique de son teint. « Je n'ai pas pu y tenir, » dit-elle en entrant à la société ébahie. « J'étais toute seule, mes sœurs sont allées à droite et à gauche après le dîner, j'ai pensé que tout le monde s'amusait ici, pendant que je m'ennuyais solitaire, et je suis venue vous rejoindre. » Son œil bleu faïence lança un long regard de soumission et de tendresse dans la direction du diplomate qui reçut le coup sans sourciller. « Vous avez bien fait, ma chère, » dit tranquillement Madame Pajaroff, à qui la rancune était absolument inconnue, pour l'excellente raison qu'elle ne gardait jamais rien sur le cœur. Celui qui lui avait déplu ou qui l'avait blessé était sûr de recevoir à bout portant une bordée de vérité plus ou moins déplaisante, après quoi la bonne dame reprenait sa sérénité et pardonnait généreusement l'offense. On prit jour pour la noce des amoureux, dont la destinée avait failli troubler le repos de ce coin de terre, et l'on choisit le dimanche suivant. Madame Pajaroff annonça son intention de prêter sa maison aux nouveaux époux pour y donner leur repas et leur bal de noces. « On les mariera comme des seigneurs, » dit-elle. « J'invite tout le voisinage et l'on dansera. » Mademoiselle Berlaguin fit un petit mouvement joyeux, aussitôt réprimé, que Madame Pajaroff eut le temps de saisir. « Cela t'amuse, mignonne, » dit-elle. « Tu as raison, va. Mieux vaut 100 fois danser à la noce des autres qu'à la sienne propre. » « Ah !» soupira Pélagie, « vous en parlez bien à votre aise. » On se mit à rire. « Pourtant, » fit Madame Berlaguin, en s'adressant à la maîtresse du logis, « je ne vous conseille pas, Anna Karpovna, de dégoûter les demoiselles du mariage. Avant de mourir, nous autres mères, nous avons besoin de voir nos filles établies. »« Eh !» s'écria la vieille dame, « laissez-les s'établir toutes seules. Quelle nécessité voyez-vous à leur fourrer sous la dent un promis tout mâché, choisi d'après vos goûts, qui ne sont pas les leurs? Ma parole d'honneur, quand je vois les mères se choisir un gendre, je suis parfois tentée de penser qu'elles le prennent pour elles. N'est-ce pas, général ? Continua-t-elle en s'adressant à son mari, toujours enseveli dans son fauteuil à oreillettes. N'est-ce pas que les demoiselles qui choisissent toutes seules ne font pas toujours une si mauvaise affaire ? Le général se souleva avec effort, sourit et vint baiser la main blanche et ridée, mais toujours fraîche, de sa bonne vieille femme. 42 ans auparavant, ils s'étaient gentiment enlevés l'un l'autre, au grand désespoir de leurs familles respectives, qui avaient arrangé pour chacun d'eux un mariage beaucoup plus brillant. « Nul sur la terre, dit-il de sa voix basse asthmatique, ne peut se vanter d'avoir été plus heureux que nous. » Madame Pajaroff jeta un regard triomphant sur l'assemblée. Madame Berlaguin n'était pas contente. Quant à la jeune fille, il était impossible de pénétrer ses pensées. Son joli visage n'exprimait que le calme, ses yeux restaient baissés. Seule, une ombre de rougeur plus vive sur sa joue témoignait qu'elle entendait la conversation. « Choisir, murmura Pélagie, ce n'est pas toujours facile, et la vie est pleine de pièges. Je n'ai jamais eu le courage de me décider. « Eh bien, voisine, » lui jeta Madame Pajaroff, « dépêchez-vous, sans quoi. » Par bonheur, on servit des glaces, ce qui rejeta la conversation dans un courant moins dangereux. Quand on se sépara, enchantés les uns des autres, ce fut en se donnant rendez-vous pour le dimanche suivant qui devait conjoindre les heureux époux. En retournant à son domaine, éloigné d'une dizaine de verstes, Madame Berlaguin ne manqua pas de chapitrer sa fille. « Tu n'es pas assez sérieuse, » lui dit-elle. « A-t-on jamais vu une petite fille se mettre au piano sans y être invitée, et se mêler d'avoir de l'esprit quand personne ne lui en demande ? L'esprit, vois-tu, c'est bon pour les femmes mariées. Les demoiselles doivent se garder par-dessus tout d'en montrer. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont de l'esprit. » Mademoiselle Eugénie baissa la tête et garda le silence. « Tu n'es pas laide, continua la mère. Elle était folle de la beauté de sa fille et le lui cachait soigneusement. Tu n'es pas bête, tu peux faire un beau mariage. Mais si tu veux en arriver là, il faut que tu sois comme tous les autres. Maman, fit timidement Mademoiselle Eugénie, si je suis pareille aux autres, pourquoi un prétendu me choisira-t-il de préférence ? Oh, ces enfants terribles, quand ils sont bêtes, les mères les maudissent, quand ils ont de l'esprit, elles ne savent que répondre. C'est à cette enseigne que se trouvait logée Madame Berlinguine plus d'une fois par jour. Aussi, depuis bien longtemps, elle avait pris le parti de ne pas entendre les questions embarrassantes. « Ce monsieur Malissoff est très bien, » continua la maman. « Il a de la fortune, une belle position. C'est un parti convenable. Tâchez d'être aimable. Je serais enchantée de l'avoir pour gendre. Avez-vous compris ?» Elle disait vous à sa fille dans les circonstances solennelles. « Oui, maman, » répondit Eugénie, « j'ai compris. » Elle n'ajouta rien touchant son intention d'obéir. 6. Le dimanche suivant, tous les bons amis des Pajarov se rendirent chez eux pour fêter dignement les noces désirées de ces deux illustres amants. Leur vieux voisin, Bourlakov, ne pouvant sortir à cause d'un rhumatisme qui le privait de ses deux jambes, envoya sa musique, composée, comme il disait, de 6 musiciens et demi. Le demi était un garçonnet d'environ 12 ans, chargé du chapeau chinois, du triangle et du tambour de basque. Ce cumul ne l'empêchait pas d'ailleurs de s'acquitter de ses fonctions à la satisfaction générale. C'était encore un reste du bon vieux temps que cette musique féodale. Il n'existe peut-être plus en Russie qu'une 20aine de ces orchestres élevés et entretenus dans la demeure du maître pour sa fantaisie de toutes les heures. L'orchestre, bien et dûment abreuvé, occupait une tribune dans la grande salle, meublée de vieilles banquettes d'Utrecht jaune. Le grand orgue de Barbarie, dont les rouleaux usés par l'âge ne fonctionnaient plus que d'une manière intermittente, était détrôné pour ce jour-là, et la manivelle gigantesque, qui fatiguait promptement un robuste paysan, devait rester oisive. Dans cette salle, dans le jardin, dans tout l'appartement, erraient les visiteurs, jeunes et vieux, venus pour s'amuser du spectacle d'une noce villageoise. Les nobles d'autrefois se faisaient un plaisir de donner pour un jour à leurs vassaux l'illusion d'une vie plus relevée, de la propriété de ces choses qu'ils ne touchaient d'ordinaire que pour les offrir à leur maître. On leur offrait à eux le repas qu'ils préparaient à la cuisine ou servaient à la table seigneuriale. Pour une fois seulement, les bougies s'allumaient à leur intention dans les lustres de cristal, les bouquets s'épanouissaient dans les vases, les fauteuils leur tendaient les bras. Qui pourra jamais dire ce qui se passait alors sous ces crânes ? Quel remue-ménage bouleversait ces cerveaux étroits ? Était-ce l'envie ou la reconnaissance qui faisait monter le sang à leur visage ? En Occident, c'eût été probablement l'envie. Mais le paysan russe est bon, sa nature simple est portée à la reconnaissance. Pour une révoltée, 1000 de ces âmes naïves gardaient jusqu'à la mort le souvenir béni de cette grande journée où les maîtres leur avaient prêté leur maison pour y célébrer la fête nuptiale. On mariait le forestier avec la vachère à 7 heures du soir, toujours comme des seigneurs. Madame Pajarov les attendait sur le balcon avec le pain et le sel sur le plateau traditionnel. Et comme elle n'était pas la patience même, elle trouvait la cérémonie longue. « Ils n'arriveront pas, » murmura-t-elle à Madame Berlinguine. « Qu'est-ce que le prêtre peut bien avoir à leur dire de si particulier ?» Malissoff, appuyé sur la balustrade, souriait de l'impatience de sa vieille amie et trouvait ce retard fort agréable. Au bas du perron, assise sur la dernière marche, Eugénie, vêtue de blanc, avec des rubans rose pâle, la tête appuyée dans sa main, formait un joli sujet de gravure anglaise. Elle eût pu représenter la rêverie ou la mélancolie ou toute autre figure de Kipsek, et pour notre diplomate, ce tableau était fort plaisant à voir. Le droschky de Pélagie apparut au bout de l'avenue, et la fringante demoiselle, toute vêtue de blanc comme une pensionnaire, mit pied à terre avec un redoutable froissement de jupe très empesé. Elle a un jupon de dessous en papier à sucre, bien sûr, marmotta Madame Pajarov. « Eh bien, en finiront-ils » demanda-t-elle à sa voisine. « Ils viennent à pied par le jardin. Ils seront ici à l'instant. J'ai voulu rester jusqu'à la fin pour les voir s'embrasser à l'église. C'est si touchant, cette coutume, le baiser conjugal échangé sous l'œil de Dieu. Et des hommes, gronda Madame Pajarov. Pélagie s'essuya les yeux avec son mouchoir de batiste excessivement parfumé et jeta un regard oblique à Malissoff. « Quoi de plus touchant ? » reprit-elle. « Je ne puis assister de sang-froid à cette belle cérémonie du mariage. Une tendre jeune créature qui jure d'appartenir pour toute sa vie à celui qui doit la protéger et l'aimer. » Les yeux de Malissoff se reportèrent sur Eugénie. Elle était en effet jeune et délicate, et faite pour inspirer l'amour. « La voilà, votre tendre créature, » dit Madame Pajarov en s'armant du plateau. « A-t-on vu quelque chose de moins poétique ?» Le cortège nuptial débouchait sur la pelouse. Les mariés en tête, et certes la mariée par son extérieur, ne justifiait pas l'attendrissement de Pélagie. Courtaude, rougeaude, hâlée, elle portait une robe de mousseline blanche qui la rendait noire comme une taupe. La couronne traditionnelle lui seyait comme une bague au nez d'une truie. Ses grosses mains rouges faisaient éclater les gants de coton blanc du buffetier qu'on lui avait prêté pour la circonstance. Mais toute cette vulgarité, toute cette laideur, ne pouvait effacer l'air de joie profonde et épanouie qui ennoblissait cette bonne grosse face de Vachère. Le marié, haut comme un peuplier, droit comme un i, lui donnait la main avec orgueil. « Qu'il est bien, lui ! C'est un joli garçon !» soupira Pélagie, qui n'avait garde de laisser passer un bel homme sans lui accorder une minute d'examen. « Chacun trouve sa chacune !» dit philosophiquement en français Madame Pajarov. « Vous connaissez le proverbe français. Il naît si vilain !» L'arrivée des mariés lui coupa la parole, fort heureusement, pour les oreilles bienséantes de Mademoiselle Pélagie. On bénit bien et dûment le nouveau couple. Ils pénétrèrent dans la maison au son de l'orchestre qui y allait de tout cœur. Qui pourra décrire le cortège nuptial? Quelle muse, quelle déesse de la couleur et de la forme pourra inspirer dignement un poète envieux de le transmettre à la postérité? Qui dira l'alliance monstrueuse des lilas et des bleus, des violets et des marrons, des verts et des jaunes, les quadrillés invraisemblables où le groseille domine, associés à des rayés impossibles, où le ponceau jette une fanfare hurlante sur un gazouillis confus d'oranges et de roses. Qui décrira les tailles courtes sous les selles de robes destinées primitivement à une jeune maîtresse fluette et mignonne, et accommodées ensuite sur une robuste servante bâtie comme un grenadier, les jupes allongées avec une bande de quadrillés écossais? Qui dira les mantelets du premier empire et les jupons de la Restauration, échus par le caprice d'une héritière dépouillant une garde-robe d'aïeul à une blanchisseuse de quatre pieds de circonférence? La plume s'arrête devant l'inénarrable et laisse au lecteur le soin de compléter le tableau. C'était la province, toujours aérée, en fait de mode, caricaturée par un peintre en goguette. Madame Pajarov, son lorgnon à l'œil, regardait ce beau défilé. « Ne dirait-on pas, fit-elle en français, une légion de singes qui a pillé une revendeuse à la toilette ?» Cette réflexion lui fit du bien, et elle entra pour partager avec les époux le vin de champagne de rigueur. Le bal commença, Madame Pajarov l'ouvrit avec son mari, puis revint à sa place. « Ouf ! » dit-elle, en se laissant tomber dans son fauteuil. « Il y avait bien 20 ans que je n'avais dansé. Cela ne m'arrivera plus qu'à Thanos, mignonne » ajouta-t-elle, en se tournant vers Eugénie, qui n'était jamais bien loin de ses jupons protecteurs. « Tâche que ce soit bientôt, sans quoi mes vieilles jambes ne voudront plus me porter. » Eugénie ne répondit rien. C'était sa spécialité que de ne pas répondre. « Eh bien, Malissoff, reprit la vieille dame, dansez donc. Vous imaginez-vous que ce soit pour ce régiment d'orang-outans endimanché que Bourlakoff m'ait envoyé sa musique? Dansez donc, on n'est jeune qu'une fois. » « Je voudrais bien l'être encore, » ajouta-t-elle, avec un soupir, moitié joyeux, moitié triste. « Tenez, voilà Pélagie qui vous cherche. Prenez garde, elle va vous inviter. » Avec un éclair de drôlerie dans les yeux, Eugénie se tourna vers le diplomate. Celui-ci comprit, sourit, s'inclina et enleva la jeune fille dans le tourbillon d'une valse. « Vous m'avez tendu la perche, mademoiselle, » lui dit-il en la ramenant à sa place. « Je n'aurais jamais osé sans cela. » Ne faut-il pas sauver un homme avant qu'il se noie ? Dit Eugénie en levant sur lui ses yeux pétillants de malice. Elle est décidément pleine d'intelligence, pensa Malissoff. Toute la soirée, il fut assidu auprès d'elle, à la joie extrême de Madame Berlaguine. Tu es une bonne fille, dit celle-ci à Mademoiselle Eugénie pendant que leur calèche roulait sur la route. Tu m'as comprise. Eugénie, comme toujours, garda le silence. Mais si sa mère avait pu prévoir quelle batterie cachait ce silence fallacieux, elle eût probablement fouetté sa fille, sans égard pour ses 18 ans. Comme elle ne savait rien, elle l'embrassa tendrement et l'envoya se coucher. 7. Pendant le mois qui suivit, Malissoff fit à Madame Berlaguine 2 visites, 3 visites, 5 visites, puis les visites tombèrent les unes sur les autres, comme des capucins de cartes, si bien qu'il ne s'écoula point de jour qui ne réunit les amis, soit chez la mère d'Eugénie, soit ailleurs. Bien des mères eussent témoigné leur satisfaction en présence de ces signes non équivoques d'attachement naissant, mais Madame Berlaguine avait beaucoup trop d'esprit pour en agir ainsi. Loin de se montrer plus empressée avec Malissoff, elle sembla au contraire lui montrer une légère froideur, en même temps qu'elle éloignait soigneusement de sa maison tous ceux qui auraient pu effaroucher le diplomate. Point de jeunes gens, seuls de rares propriétaires, déjà vieux, et parlant de préférence agronomie après dîner, sujets à s'endormir dans leur fauteuil entre les fruits et le thé, et enclins à se réveiller en sursaut en demandant pourquoi l'on ne fait pas une petite partie de whist. Point de jeune fille, pas de jeune femme, mais le plus souvent possible, l'adorable Pélagie. Celle-ci avait entamé un siège en règle à l'égard de Malissoff. Ses femmes de chambre passaient les nuits à lui inventer des coiffures et les journées à lui repasser des robes. Elle arriva un jour vêtue d'une robe rose pâle sur laquelle on avait drapé à la grecque une espèce de tunique de filet brodé. Madame Berlaguine soupçonna toujours cette tunique d'avoir été rideau de fenêtre dans son jeune temps. Des nœuds roses agrémentaient le tout, et Pélagie elle-même avait si bien l'air d'une vieille rose de l'an dernier que Mademoiselle Eugénie ne put s'empêcher d'exécuter de son index malicieux les premières mesures de la célèbre romance « La dernière rose ». Cette fantaisie lui valut un coup d'œil foudroyant de sa mère qui lui fit prendre la fuite. Malissoff, étouffant ses rires, la rejoignit dans le jardin, et ils se mirent à faire le tour d'un antique bosquet de tilleuls, encadré dans une de ces vieilles charmilles d'acacia jaune, comme on n'en trouve que dans les jardins de seigneurs en Russie. Eugénie était loin de décourager Malissoff. Avec lui, elle était tour à tour sérieuse ou enjouée, mais toujours naturelle. Il en savait certes plus long sur les pensées secrètes de la jeune fille que personne au monde. Et cependant, ce n'était pas l'intimité qu'il avait rêvée. On ne sait quelle barrière se dressait entre lui et la confiance parfaite. Au moment où il se sentait prêt à dévoiler ce qu'il éprouvait de confus et de tendre au fond de lui-même, un regard réservé, un silence, un geste, l'avertissaient qu'il ne devait pas s'aventurer sur ce terrain. Malissoff n'avait guère fréquenté de jeune fille, et son embarras présent était le châtiment de sa vie passée. Les hommes du monde, les meilleurs s'entend, passent leur vie à courtiser les femmes mariées ou déclassées. Pourquoi s'étonner alors que la plupart d'entre eux se trompent d'une manière irréparable en se mariant aux premiers cheveux gris? Les malheureux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut avouer aussi que, bien souvent, la punition serait hors de toute proportion avec le crime si on ne la considérait comme une expiation des fautes passées, de celles que le monde excuse et qui désagrège lentement la famille. Malissoff, depuis sa 18e année, n'avait jamais adressé la parole à une jeune fille sinon pour lui dire « Vous êtes le vivant portrait de Madame votre mère » ou bien « J'ai beaucoup connu votre père, nous avons été grands amis ». Ces communications, une fois faites, il ne s'occupait plus de la demoiselle autrement que pour lui adresser un salut respectueux accompagné d'un sourire paternel. Eugénie était donc pour lui un mystère vivant et charmant. Un de nos romanciers modernes a écrit un jour « Qui peut contempler sans frémir cet abîme couvert de fleurs qu'on appelle une demoiselle à marier ?» Malissoff voyait bien les fleurs, mais l'abîme restait invisible pour lui. Le jour que Pélagie arbora cette illustre robe rose pâle qui faisait un cadre si malencontreux à son visage couleur de lin écru, Anton Petrovitch admirait plus que jamais les lianes et les églantines, voiles du précipice en question. Eugénie était si simple, si jolie, dans son petit costume de couleur indécise. Toute sa personne respirait tant de candeur et d'innocence que notre héros se sentit disposé à l'éloquence. « Mademoiselle, dit-il d'une voix moins ferme qu'il ne l'eût voulu, êtes-vous heureuse ici ?» Eugénie leva sur lui ses yeux calmes et répondit sans trouble « Certainement !»« N'avez-vous jamais rêvé autre chose ?» continua Malissoff. La jeune fille ne répondit pas d'abord. Une teinte plus rosée colora ses joues. « Comment l'entendez-vous » dit-elle enfin. Malissoff recula devant une question plus précise et prit un biais. « La vie de campagne vous plaît-elle ? N'aimeriez-vous pas mieux habiter les villes ?»« Je ne suis pas ambitieuse, » répondit simplement Eugénie. « La vie est bonne partout, pourvu qu'on soit heureux en famille. » Le cœur de Malissoff bondit dans sa poitrine. Depuis bien des années, il n'avait éprouvé d'émotions aussi vives. Cependant, il sut garder un visage impassible. « Alors, dit-il, le mariage ne vous fait pas peur ?» Eugénie ne dit rien. « Le mariage, reprit-il, c'est-à-dire la vie complète, la confiance mutuelle, le partage des joies et des peines, qui double les unes et adoucit les autres. Mais, continua-t-il, les jeunes filles ont peut-être une autre idée du mariage. « C'est bien ainsi que je le comprends, » répondit Eugénie les yeux baissés. Oh, si Malissoff avait pu lire dans son âme le nom de l'homme avec lequel elle rêvait de faire le chemin de la vie. Mais, emporté par son idée, il fit comme tout le monde et partit sur une fausse piste. « Avez-vous un peu d'amitié pour moi ? » reprit-il, liant dans son esprit cette question en apparence décousue avec son discours précédent. « Beaucoup ?» répondit sans hésiter la jeune fille, qui rougit. « Et de la confiance ?»« Oui, je crois que vous êtes bon et qu'on peut compter sur vous. »« Merci, » fit Malissoff ému. Il prit sa main et la porta à ses lèvres. Au même moment, un grand bruit de jupes empesées se fit entendre derrière la charmille et Pélagie déboucha sur eux. « On vous y prend, monsieur le diplomate, à confesser les petites filles !» s'écria cette judicieuse personne du haut de sa voix pointue. Madame Berlaguin, en mère prudente, arrivait sur ses talons à toute vapeur, mais elle n'eut à sauver aucune apparence. À son grand regret, peut-être. « On ne confesse pas les anges, mademoiselle Pélagie, » dit Malissoff, vexé. « Mais si vous voulez bien m'accepter pour directeur spirituel, nous allons faire le tour de vos péchés mignons. »« Cela veut dire, » riposta Pélagie, « que je ne suis pas un ange, moi ?»« Soit, monsieur l'ambassadeur, j'accepte l'épigramme, et je vous somme de tenir parole. » Est-ce l'idée des péchés mignons de Pélagie qui effraya madame Berlaguin ? Toujours est-il qu'elle emmena sa fille et laissa en tête-à-tête le couple mal assorti. Ils marchèrent en silence pendant quelques secondes, tournant toujours autour de la charmille, déjà jaunissante. Malissoff, furieux d'abord de se voir interrompu en si beau chemin, avait fini par se réconcilier avec l'interruptrice. Une démarche décisive et chose si redoutable qu'il faut être enragé pour ne pas venir en secret, après réflexion, la main de la Providence qui vous a arrêté au seuil de l'abîme. Et Malissoff n'était pas enragé. Ah ! Soupira Pélagie, vous ne comprenez pas les choses du cœur. Hein ? Fit Anton Petrovitch, tant soit peu abasourdi. Non, reprit la demoiselle, qui n'était pas facile à démonter. Vous autres hommes, vous avez le cœur sec, comme de l'amadou. Et aussi facile à s'enflammer, répliqua Malissoff, naturellement prompt à la riposte. La demoiselle sourit d'un air satisfait, elle aimait ce genre d'escarmouche. « Ces passions-là ne sont que des feux de paille, » reprit-elle ensuite. « Mais je parle des affections sérieuses, de celles qu'on éprouve à l'âge où l'on sait se rendre compte de ce que l'on ressent. »« Au mien, par exemple, » fit Malissoff, d'un air innocent. « Oui, » murmura Pélagie, « c'est lorsqu'on a passé le premier printemps de la vie, lorsque l'âme a jeté son premier feu, qu'on connaît le vrai bonheur d'aimer. »« Racontez-moi vos amours, mademoiselle Pélagie. » dit Malissoff, saisi par cette drôlerie si naturelle aux gens gais par nature et que leurs occupations forcent à revêtir une apparence sérieuse. « Mes amours ! » s'écria la demoiselle offusquée. « Combien de fois vous figurez-vous donc que j'ai aimé ? » ?»« « Je n'en sais trop rien, » pensa le diplomate à part soi. « Au train où tu y vas, tu pourrais compter par centaines. » Mais cette réflexion ne dépassa pas ses lèvres. « Parlons des amours des autres, » dit-il. « Ce sujet est plus fécond en appréciations ingénieuses, et vous avez tant d'esprit, mademoiselle Pélagie. » La vieille fille, encore à moitié fâchée, sourit à ce compliment, mais secoua la tête négativement. « Les hommes sont tous les mêmes, » dit-elle avec un enjouement qui n'excluait pas l'amertume. « Ils ne veulent pas traiter les femmes en personnes raisonnables et eux-mêmes. » Elle leva les mains au ciel pour le prendre à témoin de la folie masculine. « Je n'ai rencontré, » continua-t-elle, « qu'un homme vraiment sérieux jusqu'ici. »« Moi ?» fit Malissoff, qui reçut en réponse un coup d'éventail sur le bras. « Non, un jeune et charmant garçon, le fils d'un petit propriétaire voisin qui a vendu son bien l'année dernière à Madame Pajaroff. C'est un tout jeune homme, beau comme le jour, » Pélagie en avait l'eau à la bouche, « des yeux fendus en amande, des dents blanches, une barbe blonde douce comme de la soie. » Malissoff eut envie de lui demander comment elle avait eu connaissance de ce dernier détail, mais il se retint de peur d'arrêter les confidences. « Eh bien, » continua Pélagie sans reprendre haleine, « c'était un jeune homme sérieux. Il n'a fait la cour à aucune femme ni fille pendant les 3 années que je l'ai connu. Beau et insensible. » « Comme le farouche Hippolyte, » conclut Malissoff. « Mais, mademoiselle Pélagie, je ne saisis pas bien la liaison de vos idées. » Vous disiez tantôt que les hommes ne savent pas aimer sérieusement, d'accord, mais quand ils n'aiment pas du tout, est-ce alors que vous les trouvez sérieux ? Pélagie détestait par-dessus tout se rendre compte de quoi que ce soit. C'était pour elle un travail au-dessus de ses forces. « Je vous dis qu'il est charmant, » répéta-t-elle, avec l'entêtement d'une mule butée contre un mur. « Du reste, vous en jugerez vous-même. Il viendra la semaine prochaine chez Madame Pajaroff, qu'il adore. » Un domestique vint à leur rencontre et coupa les confidences de Pélagie. Ils rentrèrent pour prendre le thé, mais elle n'eut garde d'oublier sa nouvelle. Un cancan est chose assez précieuse à la campagne pour qu'on en tire tout le parti possible. Elle se bourra d'abord de 2 tartines, puis parla. « Nicolas Marcof arrive lundi, » proclama-t-elle entre 2 gorgées de thé. Madame Berlaguine posa sur le plateau la théière qu'elle tenait à la main. « En êtes-vous sûre ?» dit-elle d'un ton plus aigre que de coutume. « Vos nouvelles sont parfois sujettes à caution, ma chère. »« Pas celle-là, toujours !» s'écria Pélagie, piquée au vif. « C'est Madame Pajaroff qui me l'a dit ce matin. Il lui a écrit hier. » Eugénie prenait son thé par petites cuillerées, d'un air indifférent. Sa mère la regarda à la dérobée, ouvrit la bouche pour faire une question, puis la referma judicieusement. « C'est un héros de roman, paraît-il, ce jeune homme ?» demanda Malissoff. « Je ne sais ce que ces dames lui trouvent de si particulier, » répliqua Madame Berlaguine du même ton cassant dans sa bouche. « Pour ma part, je suis loin de l'admirer. C'est un ours mal léché, un ambitieux, un sournois qui ne dit rien à personne. »« Ah ! » fit Pélagie, qui faillit s'étrangler en buvant tant elle se pressa de parler. « Je vous y prends à blâmer ceux qui ne racontent pas leurs affaires. Pourquoi alors méprisez-vous ceux qui les racontent ?» Madame Berlaguine fit un geste dédaigneux et ne releva pas le gant. « Vous me donnez envie de connaître cet ambitieux, » dit Malissoff. « Les ambitieux sont généralement des êtres tout à fait nuls, ou bien des gens supérieurs par un point quelconque, et qui ont conscience de leur supériorité. Ceux-ci ne sont pas ambitieux, bien que le monde les confonde avec les autres. » Une controverse s'engagea sur l'ambition en général, et les 2 dames s'y enferrèrent à qui mieux mieux. Eugénie leva sur l'orateur un regard si reconnaissant, si affectueux, qu'il en fut ébloui. Ce regard de femme réfléchie lui donna beaucoup à penser pendant les 2 jours qui suivirent. Il eût voulu la revoir, causer longuement avec elle, son désir de l'épouser se formulait nettement devant lui. Cette jeune fille n'était-elle pas précisément la femme qui lui convenait? Sa famille à lui l'eût désiré plus riche, ses amis l'eussent voulu d'une origine plus brillante. Mais Malissoff se disait, non sans raison, qu'on se marie pour soi. Au moment où, pour la première fois, il éprouvait le besoin d'une famille, d'un intérieur, n'eût-ce pas été folie que de se laisser arrêter par des considérations purement mondaines? Il voulut cependant prendre conseil. Et comme il ne connaissait pas de jugement plus sûr dans sa forme bourrue que celui de Madame Pajaroff, c'est elle qu'il se décida à consulter. 8. 4 ou 5 jours s'étaient écoulés quand Anton Petrovitch, vêtu de neuf, paré, pimpant, ganté, comme on ne l'est guère à la campagne que les jours de fête paroissiale, fit atteler sa meilleure troïka à la calèche et se rendit chez sa vieille amie. « Ah, mon Dieu !» s'écria celle-ci en le voyant entrer. « Vous partez pour Pétersbourg ?»« Non pas, rassurez-vous, » répondit Malissoff un peu embarrassé de l'effet inattendu qu'il produisait. « Général !» s'écria la bonne dame. « Au secours ! Il veut m'enlever !» Le général grogna quelques mots du fond de son fauteuil à oreillette, tendit une main paresseuse à notre secrétaire d'ambassade et repartit pour le pays des rêves. « Hein ?» fit Madame Pajarov. « Si j'avais besoin de secours pourtant, voilà bien les maris !» Un beau jeune homme aux yeux noirs, à la barbe blonde, entrait en ce moment. Malissoff reconnut l'original du portrait décrit avec tant de complaisance par Pélagie, mais celle-ci avait omis un détail. Au lieu du belâtre campagnard qu'il croyait devoir rencontrer, c'était un homme intelligent et sympathique qu'il avait devant lui. « Voici un défenseur, en tout cas !» continua Madame Pajarov, et qui ne me laissera pas enlever sans coup férir. Nicolas Markov, mon fils d'amitié, Monsieur Malissoff, mon voisin et ami. Les deux hommes se serrèrent la main, Markov sans mot dire, Malissoff avec une phrase aimable. « Pourquoi êtes-vous si beau ? Reprit l'impitoyable Madame Pajarov. « De qui voulez-vous tenter la conquête, si ce n'est de moi ? Faut-il que j'envoie chercher Pélagie ?» Les regards des trois personnes présentes, car le général ne comptait pas, se croisèrent avec un demi-sourire qui les mit tout de suite à l'aise. Rien ne rend plus sociable que de se moquer en commun de la même personne. « Veuillez m'excuser, » dit en riant Malissoff, « c'est une distraction. Je pensais à autre chose en faisant ma toilette. »« Souvenir des capitales, » dit Madame Pajarov d'un ton plein d'indulgence. Ce que c'est que les mauvaises habitudes, il en reste toujours quelque chose. On vient voir une vieille propriétaire de campagne et l'on s'habille comme pour aller à l'opéra. Vous me faites rougir. Je ne le ferai plus, dit Malissoff. Pardonnez-moi pour cette fois. Allez en paix. Et maintenant, quel bon vent vous amène ? Le plaisir de vous voir, répondit galamment le diplomate en baisant la bonne vieille main de Madame Pajarov. Pendant que le général dormait, on parla de tout, Markov était aussi instruit qu'on peut l'être à 23 ans. Un peu trop de précision dans les jugements, quelques notions erronées, un peu de parti pris dans quelques questions spéciales, reste de l'école et des leçons des professeurs. Mais une certaine largeur dans les vues d'ensemble, la généreuse chaleur de la jeunesse, et par-dessus tout le désir d'être utile, tel était le jeune Markov. Ses qualités, jointes à ce que Pélagie avait révélé de sa réserve à l'endroit des dames de province, le rendait intéressant aux yeux de Malissoff, toujours porté par habitude à scruter ceux qu'il rencontrait. Après 1 heure ou 2 de conversation et un plantureux dîner campagnard, la compagnie se dispersa dans tous les coins, et Malissoff se trouva enfin en tête-à-tête avec sa vieille amie. « Qu'étiez-vous venu me demander ?» lui dit celle-ci. « Je me suis moqué de vous, parce que c'est plus fort que moi, vous le savez. Mais au fond, si je puis quelque chose... »« Je le sais, merci, » murmura le diplomate. Il rumina quelques instants sa pensée, regarda la bonne dame, et finit par lui décocher à brûle-pourpoint la phrase que voici. « Suis-je trop vieux pour me marier ?»« Je savais bien qu'il retournait mariage, » fit-elle d'un air triomphant. « Mais mon ami, je ne suis pas veuve. » « J'espère que vous n'avez pas l'intention de tuer le général pour m'épouser ensuite. » Malissoff fit un signe de tête rassurant. « Qui voulez-vous donc épouser ?» reprit Madame Pajarov, enchantée au fond de sa perspicacité. « Je vous le dirai plus tard. Dites-moi d'abord si je suis trop vieux pour me marier. »« mais non, vous avez 39 ans et 7 mois. »« Donc vous n'avez pas atteint la quarantaine. Tournez-vous que je vois votre crâne ?» Une forêt de cheveux devant et derrière. « Il y en a de blancs, » fit observer timidement Malissoff. « Tant que vous ne l'éteindrez pas, personne ne s'en apercevra, » dit Madame Pajarov d'un ton plein d'autorité. « Quelle fortune ? Une 30 000 roubles de revenus, bon an mal an ? Vous voulez probablement épouser la reine de Colgonde ou la fille de Taïkoun. Je ne vise pas si haut, une simple mortelle me suffira. Fort bien. « Votre caractère ? Indécis, mais assez commode, pas de fantaisie bizarre. Et un excellent cœur. Pour les principes, je n'en parle pas, puisque vous avez l'intention de vous marier. C'est comme le baptême du feu, le mariage. Ça purifie tout. Amen. Eh bien, mon cher, mariez-vous. Malissoff ne répondait pas. Mariez-vous, en général, conclut Madame Pajarov, puisque, paraît-il, vous n'avez pas l'intention de vous marier d'une façon moins vague. Il y a quelque chose de plus précis, hasarda Malissoff. Ah, peut-on savoir? C'est Eugénie Barlaguine, dit-il, en surmontant une timidité de jeune premier de vaudeville tout à fait malséante chez un diplomate. Elle est fort bien, dit Madame Pajarov, après un silence qui avait paru long au postulant. Jolie, bien faite, bonne enfant, spirituelle, je l'aime beaucoup, conclut-elle. Lui souhaitez-vous d'être ma femme? De tout mon cœur, s'écria la vieille dame avec effusion. Et moi, me souhaitez-vous d'être son mari? Si elle vous aime, certes. Pourquoi ne m'aimerait-elle pas, avec le temps? Jusqu'ici, je n'ai pas tenté de lui plaire, mais... Essayez, mon ami. Cependant, moi aussi, je dirais « mais ». Connaîtriez-vous quelque raison? Dit Malissoff, devenu très pâle, en se levant soudain. Je ne connais rien du tout. Interrogez-la, je la crois très sincère. Vous saurez tout de suite ce que vous pouvez espérer. Pensez-vous que sa mère me l'accorde? Madame Pajarov se laissa aller dans son fauteuil en riant de ce rire tranquille des vieillards qui ont beaucoup vu et qui connaissent la nature humaine. « Soyez tranquille, dit-elle. Si vous voyez Madame Berlaguine refuser sa fille à un homme qui a 30 000 roubles de revenus, vous pourrez vous vanter d'avoir vu une chose unique en son genre. « Je ne voudrais pourtant pas être épousée uniquement pour ma fortune, dit Malissoff, plein d'angoisse à cette idée. Adressez-vous à Eugénie elle-même. Elle est sincère, vous dis-je. Vous pouvez croire ce qu'elle vous dira. Je suivrai votre conseil, dit Malissoff, et je vous en remercie. À mon tour, reprit la vieille dame, voulez-vous faire quelque chose pour moi? Tout ce que vous voudrez. Tâchez de caser Markov quelque part. Il est très capable. On ne l'aime guère ici. Il est trop distingué pour notre monde. Je crois que vous n'aurez pas de plainte sur son compte. Malissoff promit de s'en occuper, et dès le lendemain, en effet, après avoir causé toute la soirée avec le jeune homme, il expédia 2 ou 3 lettres à certains de ses amis, dont la puissance et la bonne volonté lui étaient connues.